Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. 55 minutes de radio Coups humains, un thème et 4 épisodes, à 17h et même à 23h. Cette semaine, l'automobile et nous, une série d'Olivier Chomel réalisée par Yvon Croisier. Au départ de cette série, il y a les souvenirs de retours de vacances en voiture, en famille, dans la nuit avec la radio allumée, une sensation de liberté totale, tendance fenêtre ouverte et aussi des queues de poisson. Mais au départ, il y a un examen qui est comme un rite de passage. Alors pour commencer, les personnages. Un prof de philo, un auteur observateur, un historien automobile, un conducteur radieux, une candidate qui a eu le temps d'y penser, un batteur qui sait désynchroniser, un pianiste radiophile et une réfractaire sans permis. Ensuite, le décor, un rite de passage, des parkings, des leçons, un papier rose, une BM ou une Jeep, un orgue et des heures de conduite. Aujourd'hui, premier épisode, on a le permis ou pas. Écoute, c'est toi qui conduis ou moi? C'est moi. Pour moi, alors tais-toi. Y'a du whisky dans la boîte à gants et des américaines t'as qu'à taper dedans. La voiture change l'homme, la voiture change la personnalité, et c'est peut-être ça qui rend le truc intéressant en fait. Si vous en ressortez avec l'idée qu'une automobile n'est qu'une automobile, vous n'avez rien compris au tableau. Non, je déteste pas ça, je déteste pas les bagnoles. Ben oui, l'automobile c'est cela aussi. C'est quelque chose qui peut être lesté d'intelligence. La voiture nous permet d'aller toujours plus vite, toujours plus loin. Dans ma famille, tout le monde conduit et il y avait une espèce d'idée que pour être quelqu'un d'accompli ou être un adulte, il fallait avoir son permis de conduire. Moi, j'aime beaucoup conduire. Il n'y a pas besoin forcément d'une actualité trop colorée en jaune qui vienne rappeler qu'il y a une vie réelle et que dans la vie réelle, bah, l'automobile continue de jouer un rôle. Depuis que je suis tout petit, j'attendais qu'une chose, c'était d'avoir le permis. Je mets la clé dans le contact et puis j'ai l'horizon face à moi, quoi. L'automobile et nous. Olivier Chomel, Yvon Croisier. Contact, j'apprends à conduire. Monsieur, vous vous trouvez sur une route à grande circulation, n'est-ce pas? Vous croisez une route départementale dont la largeur est double de celle d'un chemin vicinal, qui la prolonge au sud-ouest d'une ligne médiane tracée par le bas-côté d'une route secondaire parallèle à celle que vous évitez, en empruntant le trajet inverse de celui inscrit sur un panneau indicateur placé derrière vous. Il pleut, votre essuie-glace tombe en panne, que faites-vous? Vous me parlez avec brutalité. Non, monsieur, je vous ai posé une question précise, je vous prie de répondre. Non, vous m'avez psychiquement traumatisé. Oui. Je suis complètement retourné, maintenant. Oui, ben pour l'instant, vous allez retourner chez vous si vous ne savez pas. Recalez-moi. Vous êtes si fait. Candidat suivant. Bon, monsieur, première question. Vous montez dans votre voiture, celle-ci ne veut pas démarrer, que faites-vous? Qu'est-ce que je fais, moi? Ah ben, vous feriez bien de savoir. Vous montez dans votre voiture, elle ne démarre pas, qu'est-ce que vous faites? Eh ben, je descends. Ah oui, la manivelle. Non, je descends, puis je file un grand coup de pompe dans cette saloperie de bagnole. Et après, je prends ma clé à molette, j'ouvre le capot et je casse le moteur en 1000 morceaux. Je frappe, je cogne. Parce que je suis pas du genre à me laisser emmerder par un tas de ferraille. Bon. On en connaît qui ont eu le permis de conduire il y a une trentaine d'années, du premier coup, après 12 leçons et en s'offrant le luxe de caler au beau milieu d'un carrefour lors de l'examen. Les années 80 étaient scandaleusement laxistes. Heureusement, l'ordre a été rétabli depuis ces époques de laisser-aller. On est bien plus exigeant aujourd'hui. Un minimum de 20 leçons de conduite est imposé, par exemple. Ça permet de ponctionner plus sûrement la bourse, pourtant déjà vide, des jeunes impétrants. Le candidat chanceux d'il y a 30 ans serait aujourd'hui, sans une préparation très sérieuse, impitoyablement recalé dès l'examen du code de la route. Le code lui-même s'est bougrement complexifié et les questionnaires des épreuves sont truffés des choses trappes les plus vicieuses. Quant à conduire une automobile, ça ne va pas de soi. De même que tirer à l'arc, pratiquer la danse classique, jouer de la batterie, mâcher du chewing-gum à vélo, ou percer des trous dans le tronc d'un arbre tout en sciant la branche sur laquelle on est assis. Ça nécessite d'exécuter simultanément des gestes qui n'ont rien à voir entre eux, tout en scrutant la route et le paysage, à l'affût de la signalisation et des dangers. C'est un des obstacles que bien des candidats rencontrent dans la quête du si précieux petit diplôme. Je connais quand même beaucoup de gens à Paris qui se passent de voiture, qui se passent même parfois de permis, mais c'est quasiment impossible quand on vit en province, quand on vit même à la périphérie des grandes villes. C'est un enjeu contemporain parce que celui qui effectivement n'a pas le permis ou n'a pas de voiture ou n'a pas les deux, finalement se retrouve extrêmement embarrassé, dépend des autres, dépend de moyens de locomotion qui parfois n'existent pas. C'est quand même une réalité que sans le permis, on est réellement handicapé. Florent Bussy, professeur de philosophie. Je dirais que c'est presque par ailleurs une forme de rite d'initiation. Il y a le permis de conduire au même titre que le droit de vote quand on a 18 ans. Et beaucoup de jeunes s'empressent de passer ce permis avec l'idée qu'ils y acquièrent aussi quelque chose qui a un sens symbolique, à savoir une indépendance, une autonomie. C'est comme un rite de passage, je dirais, pour de très nombreuses personnes, peut-être même une majorité en France. Moi, je suis prof en lycée, je vois tous les matins sur nos parkings, on se bat un petit peu avec les élèves pour trouver une place, parce qu'il y a énormément de jeunes, soit qui sont en milieu de terminale ou qui sont en BTS, qui ont leur voiture personnelle déjà, alors même que ça coûte extrêmement cher, que souvent les familles ont des budgets contraints, et bien quand même on a une automobile et on est prêt à en faire profiter des jeunes au tout début de leur vie d'adulte. Le permis de conduire, c'est beaucoup plus important que la communion solennelle ou le service militaire. En même temps, c'est une expérience qui peut être un peu traumatisante, parce que c'est pas simple. C'est vrai, il y a des échecs. Hein. De fait, on a rarement le permis aujourd'hui du premier coup. C'est un coût évident qui est quand même assez important, même s'il y a des mesures qui sont prises souvent pour permettre de passer le permis en payant 1 euro par jour. Mais ça reste quelque chose de difficile et on connaît beaucoup de gens autour de nous, en général, qui n'arrivent pas à le passer. Et de fait, aujourd'hui, je crois que l'État publie des statistiques là-dessus. Il y a des évaluations du nombre de gens qui roulent sans permis aujourd'hui en France. Et c'est loin d'être marginal. Il y en a plusieurs centaines de milliers. En plus de ceux qui, ayant le permis, mais l'ayant perdu pour des questions de retrait de points, n'ont pas les moyens de se payer un stage de récupération de points. Et je crois qu'on évalue à plus d'un million en France le nombre de personnes qui circulent au quotidien sans avoir l'autorisation officielle de le faire. Mais on est loin d'un phénomène marginal. Oui, c'est pas un phénomène marginal. Encore une fois, ça manifeste la nécessité de posséder une automobile aujourd'hui. Là, sur le plan vraiment de la contrainte économique, hein, pas sur le plan de la liberté que ça apporte. Je suis pas sûr que les gens qui n'ont pas de permis utilisent une voiture pour partir en vacances. Ils le font d'abord pour aller au travail, pour se rendre à 25 km de chez eux, là où ils ont trouvé un emploi. Et aujourd'hui, quand on a un emploi, on s'efforce de le garder la plupart du temps parce qu'on peut pas en avoir d'autres. Jean-Pascal Assailly, vous êtes psychologue, vous vous intéressez à la sécurité routière notamment. Vous avez écrit un livre qui s'appelle « Homo automobilis » ou « L'humanité routière » et qui est une sorte de description de cet animal un peu étrange qu'est l'automobiliste et qui est presque distinct de l'homo sapiens ordinaire. Oui, c'est-à-dire que... En fait, ce dernier livre, c'est un peu l'histoire, quoi. Voilà, l'histoire d'un objet qui a 100 ans et qui va bientôt disparaître. L'auto, elle naît au début du XXe siècle, avec la psychologie d'ailleurs, hein. Elle est contemporaine de Freud et de la création de la psychologie scientifique et de Darwin. Et alors cette histoire, bon, il y a plusieurs dimensions qui sont intéressantes. Bien sûr, il y a des dimensions purement sociologiques. C'est que c'est l'histoire, bien sûr, d'une diffusion sociale d'abord. Au départ, la auto, quand elle naît en 1900, seuls les gens extrêmement riches peuvent les acheter. Quand il y a une vingtaine d'exemplaires, ce sont des barons, des ducs, des baronnes et des duchesses qui peuvent acheter ça, voilà. Et donc après, toute l'histoire du XXe siècle, ça va être l'histoire de la massification, où donc on va aller de quelque chose possédé par quelques-uns très riches vers 40 millions de conducteurs aujourd'hui chez nous, quoi. D'ailleurs, au départ, on s'attend pas du tout à une telle diffusion. Absolument pas. Ça, c'est toujours la différence entre la France et les États-Unis. Ford l'a appliqué très vite, ça. Ford a pigé très vite que l'ouvrier devait être capable d'acheter sa voiture. Donc, très vite, le prix de la Ford T, il l'a descendu pour que puisse y avoir cette... Mais effectivement, pour les constructeurs français, ça restait quand même encore comme quelque chose comme du parfum et voilà. Enfin, je veux dire, on était dans des modèles de luxe. Enfin, les belles voitures qu'on voit dans les musées aujourd'hui, hein. C'était donc, effectivement, les gens ne s'attendaient pas à une telle diffusion. Alors, cette caractéristique purement sociologique, elle avait des conséquences. C'est-à-dire que, par exemple, évidemment, vous n'aviez pas ni formation ni répression au début, l'automobile. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'auto-école. C'était le constructeur qui vous apprenait à conduire son modèle, puisqu'il était quasiment unique. Il n'y avait pas un seul autre qui... Donc, il n'y avait pas de formation. Et il n'y avait pas non plus de répression et de contrôle-sanction. Puisqu'on était entre gens de bonne compagnie de l'aristocratie, vous étiez censé respecter les règles, tout simplement, non pas par la peur de la sanction, mais pour la courtoisie, pour le maintien de son image. Donc voilà, on voit que la massification va entraîner la nécessité de l'éducation, de la formation, de la répression, enfin de tout ce qui va devenir l'action de sécurité routière. Quand est-ce qu'apparaît le permis de conduire ? Alors, 1891, c'est le certificat de capacité à Paris. Mathieu Fleunot, historien. Mais à partir de 1897, vous avez quand même le fameux ticket rose qui est décerné. Alors, des ingénieurs des mines le font passer. Les ingénieurs des mines qui sont en compétence, et d'où les plaques minéralogiques des voitures, qui sont en compétence pour juger de ces configurations nouvelles, de ces objets techniques en liberté que sont les automobiles. La première fois que j'ai pris le volant, c'était sur les routes de campagne. Je tenais le volant sur le siège passager. Je devais avoir 9 ans, je pense. Puis après, un jour, on a une maison en Italie, donc il y a des petites routes en herbe qui sont pas dangereuses, où il n'y a absolument aucune circulation parce que c'est entre les champs. Voilà, et du coup, je me suis mis sur le siège conducteur. Et puis après, j'ai conduit un Jeep Cherokee V8 énorme. Et puis là, c'était un automatique, donc c'était plus facile. J'avais que la pédale d'accélérateur et la pédale de frein, mais j'ai commencé à conduire là-dessus. Je voyais pas grand-chose devant parce que j'étais petit encore, mais j'avais très envie de conduire. Mathéo, si je comprends bien, il s'est passé très peu de temps entre votre majorité, l'obtention du permis de conduire et l'achat de cette BMW, rappelez-moi le modèle. 520D E39. Il y a eu plus de temps entre ma majorité et le passage du permis. Mais ça, c'était à cause de problèmes administratifs. J'étais inscrit depuis mes 18 ans et j'ai mis un an à obtenir une date d'examen. Je suis passé par une auto-école en ligne, mais c'est quand ça commençait, donc c'était pas encore au point pour que tout le monde ait sa date. Une auto-école en ligne? Ouais, en voiture Simone. J'avais pas beaucoup d'argent pour passer le permis, donc quand j'ai vu que ça coûtait que 750 euros de le passer avec une auto-école en ligne, bah, je me suis inscrit. J'ai pris sur internet quelques cours du code de la route, mais vu que j'avais déjà un peu conduit et que j'ai fait énormément de vélo, j'avais déjà appris le code de la route pour moi avant. Donc je l'ai passé, je l'ai eu, avec 3 fautes quand même. Et ensuite je me suis... Sur 40 questions? Sur 40 questions, j'ai fait 3 fautes. C'est correct. Après, je me suis directement... J'ai commencé les heures de conduite. Puis après, j'ai demandé ma date d'examen et j'ai mis un an à l'obtenir. Vous aimez ça, la voiture? Moi, j'aime beaucoup conduire. Depuis que je suis tout petit, j'attendais qu'une chose, c'était d'avoir le permis. Donc le fait que j'attende un an ma date d'examen, c'était vraiment une torture. Le jour où je l'ai passé, c'était pas la meilleure prestation de ma vie. Puis après... Parce que vous étiez un peu stressé. Bah, j'étais stressé, je voulais vraiment l'avoir, donc forcément quand on est stressé on fait des erreurs, j'avais pas forcément confiance. C'était où? C'était à Clamart. Le royaume des priorités à droite et des zones 30. Quand on nous apprend le permis et qu'on arrive devant une priorité à droite, s'il y a une voiture qui arrive à 150 mètres, faut s'arrêter pour la laisser passer. Donc si on faisait tous comme ça, il y aurait beaucoup d'embouteillages. Je respecte le code de la route dans 90% des cas. Même si des fois, faut l'adapter. Bon, il y a des choses qu'on nous apprend qui sont impossibles à faire, pour la sécurité, par exemple. Qui sont incompatibles avec la pratique. Qui sont incompatibles avec la pratique, oui. Quand il faut prendre une décision vite, il n'y a pas le temps de faire tous les contrôles. S'il y a un motard qui se casse la figure devant nous, dans le code de la route, il faut regarder le rétro avant de freiner. Je préfère que la voiture de derrière me rentre dedans que qu'écraser un motard qui tombe devant moi. Donc c'est des petites choses, mais le jour du permis, faut pas qu'un motard tombe devant. Maintenant, vous êtes sur une route départementale. Ça m'étonnerait. Qu'est-ce que vous dites? Je dis, ça m'étonnerait que je sois sur une route départementale. Oui. J'y vais jamais sur les routes départementales. Ah, oui. C'est plein de boue et ça sent mauvais. Oui, j'entends bien, monsieur, mais c'est une supposition. Alors, vous êtes sur une route départementale? Non. Je ne suis pas sur une route départementale. Je viens de vous dire que j'y mettais jamais les pieds sur les routes départementales. Les routes départementales, rien que de m'en causer, ça me donne envie d'envoyer des mandats dans la tronche à tout ce qui remue. Mais en admettant... Ah oh, je vais me le farcir. Je vais être obligé de me le farcir, le petit asticot. Mais enfin, vous monsieur... commencez à m'énerver avec vos questions. Ben oui, mais je... Est-ce que je vous en pose des questions, moi? Non, non. Est-ce que je vous en pose? Absolument pas. Est-ce que je vous demande qu'est-ce que vous faites s'il se passe ceci? Qu'est-ce que vous faites s'il se passe cela? Pas du tout, monsieur. Est-ce que je vous oblige à aller sur une route départementale, moi? Qu'est-ce que j'irai faire? Est-ce que je vous demande pourquoi vous avez cette tête d'abruti? Quoi? Et pourquoi ça fait un bruit d'évier quand je l'armure? Hein? La seule chose que je vous demande, c'est si vous me le donnez, mon permis, oui ou non? Pendant que je passais mon permis, j'ai occupé 4 appartements différents, jamais à côté de l'auto-école, 2 jobs. On n'a pas changé de président, mais c'était moins une. Par contre, Paris a changé de maire. Les USA ont eu le temps d'élire une fois Obama et une fois Trump. J'ai changé de tranche d'impôt, ils ont rénové l'auto-école, je l'ai conseillé à des gens qui ont probablement eu leur permis depuis. J'ai entendu autant d'histoires de permis que je connais de gens. J'ai épuisé 4 moniteurs. J'ai eu un seul Jules qui, plein de courage, a tenu jusqu'à 3 jours avant le jour J. J'ai changé de lunettes pour essayer de mieux voir les priorités. J'ai assisté à 5 mariages et embrassé une 20aine de nouveau-nés. Et en préambule, vous écrivez « J'ai eu mon permis au bout de 4 ans et demi, après moult péripéties, moniteur épuisé et transfert sur le dernier. » Ça a été une sorte de traumatisme, mais qui s'est bien fini? Oui, ça s'est bien fini. Je dirais que ça a été un accouchement dans beaucoup de douleurs. L'issue était heureuse puisque j'ai eu mon permis, mais ça a été très douloureux, oui. Pourquoi est-ce que vous avez décidé de le passer, le permis de conduire? En fait, dans ma famille, tout le monde conduit et il y avait une espèce d'idée que pour être quelqu'un d'accompli ou être un adulte, il fallait avoir son permis de conduire. Bon, en tout cas, c'est ce que moi, je m'étais imaginé. Et quand j'ai eu 25 ans, je me suis dit, il faut qu'avant mes 30 ans, j'ai mon permis et il faut aussi que je sache nager, parce que je ne savais pas nager. J'ai commencé par m'inscrire à la piscine, ça a été beaucoup plus rapide que pour le permis. En 6 mois, je savais nager. Et un an plus tard, je me suis inscrite à l'auto-école. Et donc, ça a duré 4 ans et demi, avec des longues interruptions, parfois d'un an, dont une interruption où j'ai vraiment littéralement claqué la porte de la voiture et j'ai dit que je reviendrai jamais et j'y retournerai jamais et tant pis... Je prendrais le train comme ceux qui n'ont pas leur permis. Et pourquoi cette colère? Parce que j'y arrivais pas. J'avais l'impression qu'il y avait quelque chose qui m'échappait et ça avait l'air tellement simple pour tout le monde de passer son permis de conduire. Les gens me disaient « oui, bah, j'ai pris 20 heures ». Ça avait l'air très très simple. Et pour moi, ça l'était pas du tout. Déjà parce que j'ai aucune synchronisation, donc les pieds sur les pédales, les mains sur le volant, dont la droite sur le levier de vitesse, les yeux qui regardent partout, c'était ingérable. J'arrivais pas à faire les 3 en même temps. Et puis il y avait un problème mécanique au début aussi, où j'étais nulle, le débrayer, embrayer, rétrograder. Enfin, ça me paraissait. Et surtout, c'est pas exactement naturel comme mouvement. Bah non, mais ça avait l'air tellement naturel pour tout le monde. Mais par exemple, je sais pas, je suis incapable de jouer d'un instrument, enfin de la guitare ou de la batterie. C'est impossible. Il faut désynchroniser sa main gauche et sa main droite. Et j'avais l'impression que c'était ça apprendre à conduire, qu'il fallait une désynchronisation d'un truc et que mon cerveau était juste pas câblé pour ça. Donc je finissais par me dire que j'étais un cas désespéré. Je me dis parfois que c'est pas quelque chose de très naturel de conduire. Pour moi, ça a toujours été un peu naturel. En fait, je passe les vitesses naturellement, je conduis naturellement, c'est comme mon troisième bras. Ma copine, par exemple, qui est en train de passer le permis, a eu beaucoup de mal à dissocier les mouvements de freiner tout en tournant, de passer les vitesses correctement. Maintenant, elle y arrive, mais elle a mis beaucoup plus de temps. Moi, il m'a fallu 2-3 heures, quoi. Mais je pense que c'est quelque chose qu'on a ou qu'on n'a pas, et ça vient surtout de la confiance en soi et en le véhicule. Si on dit à la voiture de freiner, elle freinera, mais il faut le savoir et en prendre conscience. Je me suis dit, Fabrice Moreau, que conduire une voiture, ça implique de dissocier les mouvements des quatre membres. Et c'est souvent ça que les candidats au permis de conduire ont du mal à faire au début de leur apprentissage. Mmh. Et il y a une autre activité où on doit dissocier les quatre membres, c'est la pratique de certains instruments de musique, comme l'orgue, le piano ou la batterie. Et vous êtes batteur de jazz. Que je sois batteur de jazz aussi. Mais j'étais pas spécialement doué pour conduire une voiture. Donc ça m'a étonné d'ailleurs de ne pas être... Je pensais y arriver facilement et finalement ça a fait appel à d'autres réflexes, à une autre coordination qui a a priori pas grand chose à voir avec la coordination qu'on demande pour la batterie. En tout cas, plus ça a été, plus j'ai pris du plaisir à conduire et à dissocier mes membres de cette façon, et j'ai trouvé d'autres approchements avec ce que je faisais avec la batterie de manière générale. Conduire une voiture et conduire un orchestre, c'est assez proche, mais on peut considérer le batteur comme le chef d'orchestre d'un groupe. On parle de drive pour le batteur. Le batteur, c'est un peu le moteur du groupe. Mais si on extrapole un petit peu, je me suis mis au jazz à la même période où j'ai commencé à sentir la frustration de ne pas conduire. J'ai passé mon permis assez tard, vers mes 33, 34 ans. Et ça correspond à la période où j'ai eu vraiment le besoin, une soif de liberté artistique et une soif de liberté d'expression que j'ai trouvé dans le jazz. Avant, je faisais de la chanson, j'accompagnais des chanteurs. Et j'avais l'impression, vraiment, j'étais souvent frustré d'être dans le passager dans la voiture des gens, et passager aussi, si je fais une analogie, passager musicalement, artistiquement, un peu le passager du monde d'un autre qui était le chanteur du groupe. Et donc, ça s'est fait naturellement. L'accès au jazz et l'accès à la conduite s'est fait plus ou moins en même temps, et le désir était assez proche, en fait. C'était cette soif de liberté. Il est à peu près juste. À peu près, ouais, c'est le bon mot. Et vous avez pu interviewer d'autres musiciens ou pas? Non. Un batteur de jazz. Ok, qui? Fabrice Moreau. Ah, ok. Oui, je connais bien. Ouais, super. Issam Krimi. Vous êtes le directeur artistique du Hip Hop Symphonique, c'est un événement qui se tient à Radio France, et vous êtes pianiste. Est-ce que quand on maîtrise la pratique de ces instruments, on a plus de facilité à apprendre à conduire? Alors je sais pas si on en a plus, mais ce qui est certain, c'est que le fait de jouer du piano ou de la batterie, on demande à notre corps de savoir faire des choses qui sont pas forcément naturelles ou qu'on fait pas tous les jours. Et en fait, tout va dépendre de notre capacité à le transposer avec la voiture. Parce qu'on peut très très bien avoir justement eu cette agilité voilà, de dissocier les membres par rapport au piano, parce qu'on l'a travaillé autour du piano, on a travaillé sa main droite, sa main gauche, le jeu des pédales. Et ne pas la retrouver au volant. Voilà, c'est pas une obligation, en fait c'est pas forcément automatique de faire la même démarche quand on se retrouve dans la voiture. Et vous avez le permis? Oui, je l'ai eu, dès que j'ai pu l'avoir, je l'ai eu. Ouais. À 18-20 ans? Oui, 18, ouais. Donc, ce qui était amusant avec la voiture, c'est tout d'un coup, je retrouvais dans quelque chose d'assez simple, les pédales, le volant, le levier de vitesse. J'ai pris ça comme un nouveau jeu. Du coup, vous avez eu la conduite du premier coup? À l'époque, je crois, le max, c'était 20 heures. Enfin, ma 20e heure, j'ai passé ma conduite, j'ai eu tout de suite. Mais c'est vrai que j'aimais beaucoup ça. J'aimais beaucoup ça. Ouais. Vous continuez à aimer conduire? Ah, j'aime conduire. J'aime bien, mais j'ai une conduite un peu curieuse parce que justement, je conduis selon mon plaisir corporel par rapport à la voiture. C'est-à-dire qu'il y a des moments, j'aime bien conduire très très vite. J'aime bien l'autoroute où on voit quelque chose de très lointain, et j'aime bien la voie de gauche et tenir longtemps. Ce qui est plus influençant, on va dire, dans ma conduite, et ce qui me rapproche le plus de la musique, c'est le fait d'écouter de la musique en voiture. C'est parfois, là où je sens qu'il y a vraiment une relation en tant que musicien et par rapport à la conduite, c'est que ce que j'écoute musicalement influence ma manière de conduire et je le relie à ça. Il y a une autre analogie, un peu hasardeuse peut-être, Issam Krimi, entre la musique et la voiture, c'est que la musique qu'on joue, notamment quand on fait du jazz, est souvent à quatre temps, pas systématiquement, mais c'est quand même un peu le cas général, exactement comme le moteur à explosion. Il y a quatre temps, admission, compression, combustion, échappement. Alors ça, je ne l'ai jamais ressenti, mais par contre, c'est vrai que je suis sensible au son de la voiture. La mécanique bien réglée. Oui, de sentir. Je comprends beaucoup. J'ai découvert ça, par exemple, en ayant des amis motards. J'ai découvert en fait le fait de pourquoi on pouvait aimer une Harley Davidson et le temps qui passe justement à entendre. C'est un plaisir sonore. Voilà, le plaisir sonore. Et c'est vrai que je peux conduire, en tout cas en voiture, très influencé par le son de la voiture. Monsieur Agostinelli. Oui. Qu'est-ce qui se passe? C'est à mon tour. Bravo, monsieur Agostinelli. Vous n'avez pas mis votre clignotant. Ben, si vous commencez comme ça, vous n'aurez jamais votre permis de conduire. Oh, oh, oh, l'usage de l'avertisseur est interdit en ville. Refus de priorité, excès de vitesse. T'as aidé de m'y conduire ? On donne vraiment le permis à n'importe qui. Sens interdit. Ah, voilà la police. Eh ben, on va vous retirer votre permis avant même que vous l'ayez. Bon, ben, vous êtes recalé. Oh, vous êtes dur. Mais en y réfléchissant après, en adorant être sur la route, j'ai trouvé quelques analogies. Dans le jazz, chaque musicien, pour moi, est le conducteur de son propre véhicule. Et on interagit comme on interagit sur la route. Dans la circulation. Dans la circulation. Je dirais que la partition sur la route, c'est le code de la route, c'est les panneaux, c'est tout ça qu'on doit respecter. Mais on peut trouver sa propre liberté là-dedans, avec ses codes. Et c'est un peu la même chose dans le jazz. Il y a une partition, il y a une forme, une structure, il y a certaines lois à respecter. Et avec ça, dans cette forme-là, on trouve sa liberté. On essaierait de faire sonner la batterie, Fabrice Moreau. En voiture, le pied droit sert à l'accélérateur et au frein. Le pied gauche sert à l'embrayage. La main droite, c'est le volant, le levier de vitesse, les essuie-glaces. La main gauche, c'est le volant, les clignotants le plus souvent, les phares. Enfin, quand on ne conduit pas en Angleterre où tout est différent. Ouais. Est-ce que vous pourriez bruiter une 4L qui a du mal à démarrer? Ah ouais. En fait, c'est ce que le dernier moniteur avait compris, c'est que c'est parce que j'ai fait des études de lettres ou je sais pas, enfin j'ai un cerveau qui a tendance à tout intellectualiser et donc je décomposais tous les mouvements et j'avais envie qu'on m'explique alors que la conduite, il y a quelque chose d'instinctif. Et c'est vrai que quand vous avez votre permis et que vous conduisez, on dit c'est comme le vélo, c'est vrai, c'est comme le vélo. En fait, vous réfléchissez pas à « Ah tiens, je suis en train d'appuyer sur la pédale d'embrayage, donc il faut que je passe la première, parce que dans le moteur, il va se passer ça. Je conduis et du coup, c'est naturel. » Mais j'avais besoin, enfin c'est comme, j'arrivais pas à comprendre ça. Et les moniteurs comprenaient pas que je comprenne pas. Donc ils étaient désespérés de mon cas. Ils se disaient « Non mais elle est perdue pour la cause. » Mais ils me prenaient vraiment pour une imbécile. Et du coup, Et vous le sentiez comme ça? Perdue pour la cause? Ah oui, oui, il y a un moment où je me suis dit « Je suis perdue pour la cause. » Mais c'est pas grave, j'aurais pas... Mais... J'alternais les moments de désespoir et les moments de combien d'argent j'ai mis dans ce permis. Je peux pas arrêtée. Enfin, c'était la machine était enclenchée trop loin. J'avais emprunté de l'argent à tout le monde. Enfin, c'était tous mes cadeaux d'anniversaire et tous mes cadeaux de Noël pendant 4 ans. Donnez-moi de l'argent pour me payer des heures de conduite et passer ce permis. Et vous savez combien ça vous a coûté ? Non. Ah, ça, c'est le gros tabou de toute cette histoire. C'est que on m'a souvent demandé, mais t'as pris combien d'heures ? Mais je sais pas combien d'heures j'ai prises. Je sais pas combien ça m'a coûté. Je sais que les forfaits, le premier forfait, c'était 20 heures. Bon, ben, je l'ai complètement explosé. Mais j'en sais rien. Mais je pense que j'ai dû prendre 250 heures de conduite. Enfin, oh. Ah oui. Non, mais c'est sûr. Enfin, j'en sais rien. Mais entre 100 et 200, je pense. Vous l'avez tenté combien de fois avant de l'avoir ? Une fois seulement. Et je me suis plantée. Je sais plus. C'était une insertion qui était aussi une sortie. Enfin... Mais bref, il y avait une voiture et donc j'ai accéléré alors qu'il fallait pas. Enfin, l'inspectrice a pris le volant pour me dire non, on s'en sert pas. Donc quand elle a eu touché le volant, je savais que c'était mort, que je l'aurais pas. Et après, j'ai recommencé à conduire tout de suite. Et après, c'était pas les échecs du permis, c'était vraiment juste une séance qui se passait mal. Mais deux fois, je suis quand même sortie de la voiture. Mais dont une fois où je reprends au bout d'un an et le moniteur, je le connaissais pas. Et il me dit, il me fait arrêter dans une petite rue et il me dit, on va retravailler le démarrage. Ça faisait 3 ans que j'étais inscrite et j'ai tiré le frein à main et je suis sortie de la voiture. Enfin, j'ai coupé le contact et j'ai dit, ben non, enfin, si c'est ça, merci de me ramener à l'auto-école. Je paye pas pour qu'on m'apprenne à démarrer, je sais démarrer. C'est simple. Hein, vous débrayez, vous passez la première et vous accélérez doucement tout en embrayant progressivement. Puis vous desserrez le frein à main et vous relâchez complètement l'embrayage et vous accélérez pour ne pas caler. Voilà, on y va. Vous avez le permis de conduire, Marie ? Eh bien non, je n'ai pas de permis de conduire. Pourquoi ? Alors, je n'ai jamais passé le permis en question, puisqu'à 18 ans, j'avais pas d'argent. J'étais parisienne. Et si j'avais eu 2000 balles, enfin, à l'époque, j'étais en francs, mais je sais plus combien ça va, j'aurais certainement dépensé pour faire autre chose, un voyage ou n'importe quoi. Et puis, par la suite, de la même manière, j'ai jamais eu un budget qui me... Enfin, le rapport coût-bénéfice n'a jamais été du côté de la voiture, étant une citadine. Parce que ça n'a pas tant d'intérêt que ça de... posséder, d'être titulaire du permis de conduire. Non, effectivement. Alors, j'ai conduit un peu avec mon père quand j'étais petite, donc je savais démarrer une bagnole et la faire avancer. Lui était de la génération où la voiture, c'est la liberté, c'est l'autonomie, c'est la seule chose qui compte. Mais c'est pas contestable, ça. Ouais, je sais pas. Enfin, si, je considère que maintenant, c'est plus vraiment la liberté qu'on a. Je considère qu'au contraire, c'est un puits à fric et une prison, cette bagnole. Donc non, j'en ai jamais eu besoin. Ça a peut-être pas été très bien compris. En même temps, mes parents n'ont jamais offert non plus l'argent pour passer le permis en question. Donc si ça leur avait tenu à cœur tant de ça, je l'aurais passé. On peut se dire aussi que ne pas avoir de voiture, ne pas pouvoir conduire, ça nous prive de la presque totalité du territoire. Bah alors, pas du tout, parce qu'il se trouve que je voyage pas mal. Mais parce qu'on a toujours autour de soi d'abord quelqu'un qui conduit, et puis il y a mille autres façons de voyager. Moi, j'ai beaucoup voyagé en train, en bateau, en avion, en plein de trucs, mais j'ai voyagé beaucoup. Enfin, je me prive pas d'aller en France, j'ai randonné aussi, à pied, c'est pas mal aussi, d'une gare à l'autre, de la Bourboule au Mont d'Or, ou je sais pas. Non, pas besoin de bagnole nécessairement. Après, oui, j'ai fait des virées en voiture aussi, au Portugal, en Espagne, ou je sais pas, mais à ce moment-là, avec des amis qui ont une bagnole. Qui vous véhicule. Voilà. Mais là, on est en Seine-Saint-Denis. Si on s'était donné rendez-vous dans un chef-lieu de canton du Cher, ça aurait été plus compliqué pour se trouver. Mais non, au contraire, ça nous aurait valu une bonne conversation dans la voiture, puisque vous auriez dû m'accompagner. Vous cherchez à la gare. Voilà. C'est un esprit un peu parasite. Ah ouais, parasite carrément. Non, je sais pas, je pense pas à parasite, non, je dirais qu'au contraire, si on pense en termes de parasitisme, ça se dit ça ? Les voitures, quand même, sont nettement plus parasitaires sur la planète que moi. Non ? Elles laissent plus de traces, elles sont plus néfastes. D'ailleurs, ça se développe, maintenant, la plupart des gens voyagent en covoiturage, blabla, machin, truc. Ça existe. J'ai pas mal d'amis qui voyagent comme ça. Qui ont le permis, d'ailleurs, et pas forcément de bagnole. Vous détestez ça, en quelque sorte ? La voiture ? Non, je déteste pas ça. Non, je suis une bonne copilote en bagnole. Je pense que ça va. Ouais. Je déteste pas les bagnoles, je pourrais potentiellement en conduire une. C'est-à-dire que si j'habitais demain dans la Creuse quelque part, à ce moment-là, peut-être, ouais, je passerais le permis, qui serait probablement moins cher en province. Parce qu'ici, en Seine-Saint-Denis, c'est 3000 balles pour passer, juste pour passer le permis, pour faire les heures de conduite, les machins, et puis ensuite rallonger, je sais pas combien, pour encore avoir une bagnole. Bon, j'ai pas cet argent-là, enfin, j'en ai pas, voilà. Puis en général, on le rate et faut... Ouais, faut repasser plusieurs fois, exactement. Surtout quand on est vieux, comme moi, probablement qu'on n'a plus les réflexes aussi. Quand j'ai eu mon permis tout neuf, du premier coup, c'est pas du bluff. Je compris que j'avais intérêt à rester aux aguets. Que simplement, on m'imagine dans ma deux chevaux d'origine, affrontant mon premier trottoir, le cœur rempli d'espoir. Je voulais que ma manœuvre fût un vrai petit chef-d'œuvre, mais je n'entendais que trop tous les clients d'un bistrot me beugler leurs commentaires. Mais passe là ta marche arrière, ah je vous jure, allez nana, heureusement qu'on est là. Ces abrutis pleins de pernos, ils m'ont fait rater mon créneau. Vous avez le permis, Jeanne ? J'ai pas le permis. J'espère l'avoir encore. J'ai pas encore renoncé. Vous avez fait des tentatives ? J'ai fait que deux tentatives, mais sur longtemps. J'ai commencé très tard à essayer. Je me suis inscrite pour la première fois au permis à 35 ans, je pense. Et j'étais complètement paralysée, complètement bloquée. Je sais pas, j'avais l'impression tout d'un coup que c'était dangereux, ce qui est vrai, une voiture c'est dangereux, mais j'ai l'impression que la voiture plus moi c'était vraiment très dangereux. Et j'avais l'impression d'être tout le temps, que chacun de mes gestes avait des conséquences, je pense que c'était, et puis je pense qu'il y a aussi un truc dans le fait de conduire qui est lié au fait d'être adulte. Et que c'est un cap que moi j'avais déjà deux enfants pourtant, mais que j'avais pas l'impression d'avoir passé peut-être, en tout cas, un truc d'autonomie qui m'effrayait. Je suis même allée voir un psy spécifiquement pour ce truc du permis, un hypnotiseur. Et qui est spécialisé dans ce genre de petite pathologie. Alors lui, il n'était pas spécialisé, mais moi je suis allée voir spécialement pour ça, mais en me disant que c'était forcément révélateur d'un truc plus profond, d'avoir un tel blocage, de me sentir tellement... ouais, vraiment paralysée comme jamais on l'est dans la vraie vie, comme un accès de timidité, comme une sorte de trac... D'avoir l'impression que tous ces mouvements sont faux. Et ça s'installait quand vous vous mettiez au volant ? Les pires moments, c'est évidemment les moments... par exemple, je suis allée le voir après avoir fait un examen de permis blanc. Donc, il n'y avait absolument aucun enjeu. C'était juste pour répéter pour le permis. Et ce jour de permis blanc, je faisais vraiment n'importe quoi. L'examinateur m'a dit d'aller à gauche, je suis allée à droite. J'arrivais pas à parler. J'arrivais à peine à respirer alors que c'était normalement sans enjeu. Donc là, je me suis dit qu'il y avait peut-être un problème. Mais en tout cas, c'était ce sentiment d'être observé pendant que je faisais quelque chose. C'est comme si tout d'un coup, ça... Ouais, comme si je me regardais de l'extérieur. Et c'est comme quand on essaye de marcher dignement. En fait, on marche pas dignement. Comme quand on fait attention à comment on marche. Comme quand on examine des mouvements automatiques. Tout d'un coup, ils sont plus automatiques et ils sont faux. Moi, j'avais ce sentiment-là en conduisant. Et du coup, je suis allée voir ce mec, cet hypnotiseur. Ça m'a pas vraiment aidé puisque j'ai toujours pas mon permis. Mais maintenant je conduis bien. J'arrive pas à avoir le permis, c'est-à-dire je garde ce problème à l'examen, mais enfin, je conduis bien. C'est un peu excessif, mais je conduis moins mal. Donc ça m'a peut-être un peu aidé. Mais il se trouve que par ailleurs j'ai recroisé cet homme, ce psy, dans d'autres circonstances, et il m'a avoué qu'il avait été assez troublé quand j'étais venue le voir spécifiquement pour l'histoire du permis, parce que lui, il avait eu son permis. Et après avoir eu son permis, il a conduit une fois et il s'est pris un mur. Vraiment une espèce d'acte manqué. Il a tourné, il a foncé dans un mur et il n'a plus jamais conduit de sa vie. Donc peut-être que j'étais pas non plus tombée sur la bonne personne pour m'aider. Ouais, peut-être qu'il était un cas bien pire que moi, en fait. Vous avez passé deux fois l'examen de la conduite ? Ouais, une fois à Paris. On m'avait conseillé de prendre des bêta-bloquants pour éviter le problème de tachycardie. Et j'en avais pas trouvé parce que voilà, je suis... angoissée, mais pas organisée. Du coup, j'avais pas réussi à m'y prendre assez tôt. Du coup, j'avais pris du Lexomil. Donc, ça n'a pas marché. J'étais très, très détendue, mais du coup, je roulais vraiment très, très lentement. Ça, c'était à Paris. Et après, j'ai renoncé à le passer à Paris. Maintenant, je prends des leçons en Bretagne, où il y a beaucoup moins de voitures. Dans une petite ville? Pas dans une ville, à la campagne carrément. Ah ouais. J'ai renoncé à la ville. Et aussi, je me suis dit que je ne conduirais pas de toute façon à Paris, que je n'avais pas besoin du permis à Paris. Par contre, quand je pars en Bretagne avec mes enfants et que je n'ai pas le permis, là, je galère. Ben oui, parce que sans voiture, on est banni d'une grande partie du territoire. Ah oui, en fait, oui, on est soit banni d'une grande partie du territoire, soit, pour ne pas en être banni, on est dépendant des autres. En tout cas, maintenant, ça me pèse. J'ai l'impression que ce qui est étonnant, c'est que ça ne m'est pas pesé pendant si longtemps. Que le fait de devoir demander à des gens de m'amener quelque part. Et vous avez passé un examen de conduite en Bretagne, à la campagne aussi? Ouais, je l'ai passé cet été. Je suis allée 15 jours avant et je prenais des leçons de conduite et c'est là que ma conduite s'est nettement améliorée. Donc je prenais 2 heures par jour à peu près, j'ai fait 10 ou 15 jours comme ça. Et à l'issue de ces 2 semaines, ça allait. Je conduisais pas mal et en tout cas j'ai découvert ce que c'était qu'une forme de plaisir à conduire. J'étais contente, j'allais trop vite, je faisais des petits excès de vitesse, ce que je trouvais hyper rassurant, pas forcément pour les autres, mais moi psychologiquement en termes d'aisance. Avec une monitrice qui s'est occupée de moi. Et en fait, elle n'était pas là le jour de l'examen. Il y avait une seule date. C'était le jour de mon anniversaire, à 8h du matin. Et c'était le jour de mes 40 ans. Et là, pour le coup, en fait, j'étais hyper stressée de nouveau pour l'examen. L'examinateur m'a dit... je sais pas, quand on s'installe, on m'avait dit, au moment où vous êtes prêt, la seule chose à faire, c'est de ne pas oublier. Sinon, ça commence mal, de demander à l'examinateur s'il est bien attaché, de demander à tout le monde s'il est bien attaché. Donc, tout le monde m'avait dit ça. Tous les gens que je connais qui ont passé leur permis récemment, la monitrice. Et donc, je lui demande... Dans quel but on fait ça? Pour vérifier que moi, conductrice, responsable du véhicule et de la sécurité de mes passagers, je m'assure bien qu'ils soient attachés avant de démarrer. Sauf que moi, j'ai demandé ça à l'examinateur et il m'a répondu... Hein. Enfin, c'est moi, je sais conduire. Hein. C'est vous qui passez le permis. Moi, je sais qu'il faut s'attacher. Du coup, ça m'a un peu déstabilisé. J'ai essayé de faire une petite blague, peut-être, pour détendre l'atmosphère. Et il m'a dit... non, mais on n'est pas là pour faire semblant qu'on n'est pas stressé. Hein. Donc, j'ai quand même... je me suis appliquée, mais j'ai été reprise par ce truc où j'arrivais à peine à parler. J'avais des palpitations. Je ne l'ai pas eu. En fait, je ne l'ai pas eu. Parce que tout était médiocre. C'est ce qu'ensuite, ils m'ont dit. C'est qu'il n'y avait pas de... Insuffisant. Voilà. Vous troublez pas, voyons. Mais c'est-à-dire que, ben voilà, j'accélère, j'étends les bras, ou plutôt, je freine environ. Je coupe les gages, je mets en prise, je ferme les yeux, j'ouvre le pare-brise, je mets le fil sur les feux de position. C'est bien répondu, mon garçon. Pour obtenir son permis de conduire, faut de la mémoire, du calme et du sang-froid. Bien réfléchir à ce que l'on va dire, c'est nécessaire pour que tout marche droit. Parfois, les moniteurs me parlaient vraiment pire que mes profs ont jamais pu me parler. Enfin, non, mais tu comprends pas. Non, mais ça, c'est quand même élémentaire. Si tu sais pas faire ça, je vois pas comment on va s'en sortir. Enfin, des fois, c'était un peu humiliant aussi. Et j'étais un peu là. Je travaille, je paye des impôts. Je vis seule, j'ai un appartement, je paye des charges. Et on me parle comme si j'avais 16 ans. C'est pas possible, quoi. Parce que les histoires de permis que j'ai entendues, j'en ai entendu aucune où les gens disaient oh, « Mon moniteur était un homme formidable ». Non, c'était toujours ce gros con. Ou alors « J'ai été martyrisée, il était horrible ». Enfin, donc moi, ça a duré 4 ans, mais j'ai un bon souvenir au final du moniteur. Comment est-ce qu'il a fait? Ah ben, il a fait preuve de beaucoup, beaucoup de patience. Il a été très pédagogue, mais sur Internet, si vous cherchez le nom de l'auto-école, c'est écrit « Laurent est un moniteur très patient, qui prend le temps avec ses élèves ». Et c'est lui qui récupérait tous les cas désespérés de l'auto-école. Et j'en étais, enfin, quand je revenais, il était là « Ah, Diane !» Et j'ai dîné avec lui la semaine dernière, et à l'auto-école, ils m'ont reconnu. Ça fait 3 ans que j'ai eu ce permis. Ils savent qui je suis, s'ils me croisent dans la rue, ils sont « Ah, Diane, comment ça va ?» Bah oui, c'est grâce à moi que vous avez rénové l'auto-école, grâce aux centaines d'heures que j'ai prises, quoi. Quand vous écrivez que vous avez fait un transfert sur votre dernier moniteur, qu'est-ce que ça signifie? Eh ben, en fait, je sais pas, mais dans la vie courante, à quel moment ça va vous arriver de passer 2 heures dans un endroit clos avec quelqu'un que personne de votre entourage ne rencontrera jamais, et vous ne rencontrerez jamais son entourage à lui? Et à part un psy, moi, je vois pas. Et encore, on passe jamais 2 heures chez un psy. Mais vraiment, le truc d'être 2 heures de rang avec quelqu'un dans un endroit clos, Et ben en fait ça, bon en plus je suis très bavarde et lui aussi, donc ça délie les langues et je connaissais, enfin on connaissait toute notre vie de A jusqu'à Z. On a eu le temps de se raconter des milliers de trucs en parcourant la banlieue parisienne et en parlant rétrogradation et insertion d'autoroute. Il y a une relation privilégiée qui s'installe, et qui va jusqu'à l'intimité. Ah oui, oui, bah oui, c'était, bah on se voit encore une fois par an, mais on s'écrit très souvent et on est devenus très copains. Bah c'est vrai qu'il avait pris une place hyper importante dans ma vie parce que. Et vous dans la sienne? Oui, bah moi dans la sienne aussi, ouais. C'est quel, enfin, on en parlait encore la semaine dernière. Mes amis, je peux pas leur dire tout ce que je te dis. Quand j'ai eu mon permis de conduire, enfin avant, je lui avais dit si ça se passe comme tu veux, comme on veut, la semaine prochaine, on se voit plus. Et donc j'ai dit ça va faire un vide dans ma vie et dans la tienne. Et il était là oui oui, enfin bon, moi ce que je veux c'est que t'aies ton permis. Et puis le lendemain, enfin le soir même, il m'a envoyé un message en me disant mais t'as hyper bien conduit, tu vas la voir et en fait on se va plus se voir. Et du coup on allait dîner la semaine d'après quand j'ai reçu vraiment le papier qui disait c'est bon, vous avez ce permis. Et il était là à la fin du repas et en fait c'était hyper bizarre parce qu'on avait passé 4 ans et demi côte à côte et d'un coup on était face à face et ça changeait tout et on se racontait plus du tout la même chose et on était hyper emmerdés tous les deux d'être face à face comme ça et surtout d'être là face à notre je sais plus ce que c'est, notre dalle de légumes, enfin ça n'avait plus de sens, j'avais pas de volant dans les mains, il avait pas les pédales aux pieds, enfin c'était complètement différent. Ce n'est pas sans un certain plaisir voire même une certaine émotion que je vous remets votre premier permis de conduire. Vous êtes sûr là? Ah oui, absolument. Je me sens mitigé là, en proie au doute, je voudrais pas vous forcer la main. Ah non, non, mais absolument pas. Il y a aucun doute, c'est très très bien. Non, parce que je sais que je l'ai passé 27 fois, mais c'est pas une raison pour être indulgent. Hein. Ah non, non, non, mais ça, vous pourriez le passer 100 fois, ça changera rien du tout là. Hein. Alors vous êtes mûr. Mais alors, vraiment mûr. Ah bon? Bon, bah j'accepte alors. Voilà, c'est très bien ça. Bah, je vais la sortir là. Ah non, non! Non! Laissez! Touchez rien! Laissez! Je vais le faire! Je vais la sortir! Je vais la ranger! C'est ça, on va ranger! Eh ben, je vois que la confiance règne. J'ai mon permis, oui ou non? Oui, oui, oui, vous l'avez. Mais il faut pas passer d'un extrême à l'autre, hein? Faut y aller progressivement. Alors, votre permis, vous l'avez? À la main! Et puis vous allez rentrer chez vous? À pied, vous voyez? Vous savez que jusqu'à il y a récemment, Jeanne, les inspecteurs du permis de conduire donnaient ou ne donnaient pas un petit papillon rose. Puis ils ont cessé de le faire. Parce que certains se faisaient agresser, tout simplement. En fait, ils donnent un petit, enfin, on a un petit code pour vérifier sur Internet, je crois, 2 jours après, mais 2 jours ouvrables après. Mais moi, évidemment, j'avais perdu le code. En tout cas, je l'avais oublié à Paris. Ou... Du coup, j'ai juste... Je crois qu'au bout de quelques jours, ils donnent aussi la réponse à... Ils envoient par courrier la réponse à l'auto-école. Moi, j'ai dû attendre ce moment-là. Mmh. Voilà. Et vous avez été déçue, bien sûr. Oui et non, parce qu'en fait, j'étais quand même consciente de ne pas avoir bien conduit. Ça et puis, j'ai quand même toujours ce sentiment... Ça fait tellement longtemps que je n'ai pas le permis que ça me semble quand même quelque chose d'irréel, le fait d'avoir le permis. C'est pas... Ça serait plutôt... Même si j'avais super bien conduit, avoir le permis, ça me semble tellement quelque chose d'inaccessible que l'avoir, ça me surprendrait. Et le code? Ah oui, non, le code, j'ai aucun problème. Je l'ai, apprendre des choses par cœur, ça me dérange pas. Et il y a quand même une logique dans les questions du code qu'on comprend assez bien. Mais il paraît que c'est particulièrement retors parfois. Oui, en fait, c'est ça. C'est que moi, du coup, quand je me suis inscrite, il y avait à la fin de la semaine, on passait directement l'examen du code. Et c'est le moment où il y a eu une réforme du code, là, il y a 4 ou 5 ans, où tout d'un coup, il y avait des articles tout le temps, pendant la semaine où moi, je suivais le truc, où ils expliquaient que les pourcentages de réussite étaient passés, je sais pas quoi, de 87% à 12% suite à cette réforme. Parce qu'ils avaient mis des questions un peu à la con. Mais comme il y avait plein d'articles, j'avais lu notamment un article du Canard Enchaîné où il faisait une espèce de recension des questions les plus cons. Et moi, je suis tombée sur une des questions qu'ils avaient recensées, ce qui, je pense, m'a beaucoup aidée. C'était genre, à quelle distance, avec une vision de 5 dixièmes à l'œil gauche, peut-on lire le panneau d'entrée en agglomération? Enfin, c'était vraiment une question totalement inutile et absurde. Et j'avais lu la réponse dans le Canard, et du coup, je pense que ça m'a permis peut-être d'avoir mon code. Bravo. Merci. Et est-ce qu'il est encore valable? votre code. Parce qu'au bout d'un moment, ça se périme. Ouais, donc ça ne doit pas faire 5 ans, mais parce que sinon, il ne serait plus valable. C'est 5 ans. Il est valable. Le code, il s'annule quand on, au bout de 5 ans ou si on rate plus de 5 fois l'examen de conduite. Jusqu'à présent, ça vous a coûté combien d'apprendre à conduire, Jeanne, sans succès pour l'instant? Merci pour l'instant. Pour l'instant, enfin, pas pour l'instant, mais je me suis dit le jour où j'ai décidé de passer mon permis que je me forcerais à ne jamais compter ni les heures de conduite, ni l'argent que ça me coûtait, parce que sinon ce serait encore plus paralysant. Et donc, énormément d'heures et énormément d'argent, mais je peux pas en dire plus. Et vous conduisez de nos jours ? Alors oui, oui, je conduis dès que je peux. Là, j'ai eu un petit accident au mois de juin, pas très grave, mais c'est moi qui étais en tort, donc j'ai un peu de mal à... Là, j'ai pas encore eu l'occasion de reconduire, mais c'est prévu. Et vous avez fini par être finalement complètement à l'aise au volant ? Oui, oui, oui. Après, les premières semaines ou les premiers mois, c'est pas évident, mais l'été dernier, pas cet été, mais l'été d'avant, je suis partie seule et... Et là, enfin, vous montez dans la voiture, vous mettez la playlist que vous avez concoctée pendant des semaines et vous êtes seul au volant, la vitre ouverte. Mais c'était génial, c'était une impression de liberté que j'avais rarement connue. Et vous avez vaincu une sorte de monstre. C'est quelque chose qui vous a effrayé, la voiture, si je comprends bien. Oui, oui, oui, je me souviens, j'avais très peur d'avoir un accident, j'avais très peur... En fait, ce qui est marrant, c'est qu'on a toujours, on a peur de causer un accident aux autres, pas que les autres nous le causent. Et je trouve qu'apprendre à conduire, c'est aussi ça, c'est se rendre compte que le danger, c'est plutôt les autres, quand même. Enfin, si tant est qu'on soit pas un chauffard, mais... Et est-ce que vous vous en vouliez que l'apprentissage de la conduite soit aussi fastidieux ? Bah oui, enfin, en fait, oui, je m'en voulais, mais je me disais, mais qu'est-ce qui va pas chez moi ? Enfin, c'est pas possible d'être aussi nul à ce truc. Enfin, alors que, par exemple, apprendre à nager, enfin, j'avais peur de mettre la tête sous l'eau pendant 25 ans, et au bout de 30 minutes, je mettais la tête sous l'eau, et le permis de conduire, j'y arrivais pas. Donc, je me disais que j'étais nul, oui, enfin, ou que. Enfin, comme si c'est le truc que tout le monde sait faire, et vous, non. Donc, il y a un petit côté, bon, bah, je suis pas comme les autres. Vous disiez que ça avait toute l'apparence d'un rite de passage, en substance. Et c'est un peu ça. Ah oui, oui. Oui, de la même manière que, je sais pas, vous avez le bac, puis après, je sais pas, votre premier boulot, vous vous mariez, j'en sais rien. Bah, le permis de conduire, c'était un peu... Oui, et puis, dans permis de conduire, il y a permis, permettre, enfin, se permettre de conduire, conduire quoi, conduire sa vie, enfin, on peut... gloser sur ça pendant des heures, quoi, mais... Enfin, du coup, j'ai eu le temps de gloser pendant des heures pendant tous ces mois d'apprentissage, mais ouais, il y avait un truc, et c'est cette sensation de liberté que j'ai eue le premier été où je suis partie toute seule, où je me suis dit, c'était ça, en fait, c'était ça que je voulais, et c'était peut-être ça que j'arrivais pas à m'autoriser, ou... Mais en tout cas, c'était exactement pour ça que j'ai passé ce permis de conduire et que j'ai insisté. M'autoriser avec une apostrophe. Voilà. J'ai mon permis, monsieur l'agent, ma petite auto, c'est l'Amérique, et les grands safaris d'Afrique. J'ai mon permis, je suis content, au volant de ma petite bagnole, je suis comme un pilote en plein vol, car ma joie est mon seul plaisir, mon univers et mon empire, c'est mon auto et mon permis de conduire. Contact, j'apprends à conduire, avec Florent Bussy, professeur de philosophie, Mathieu Flonneau, historien, Jean-Pascal Assailly, psychologue, Mathéo, Diane, Fabrice Moreau, batteur, Issam Krimi, pianiste, Anne Saint-Dreux, présidente de la Maison de la Pub, Marie, Jeanne. Extrait de Flic ou voyou de Georges Lautner et Taxi 2 de Gérard Kravzik. Merci à Alex Dutil et à Emmanuel Lacaze de France Musique et à Leïla Picard de la Maison de la Pub à Paris 17e. Bibliographie et liens sur franceculture.fr. Coordination Perrine Kervran, attachée de production Marie-Yvonne Abolivier, Archivina Manuela Dubessy. Un documentaire d'Olivier Chaumel réalisé par Yvon Croisier. LSD pour aujourd'hui, c'est terminé. Bibliographie, liens ou pour nous réécouter sur la route des vacances, et sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Et les pages, c'est Marie-Yvonne Abolivier, Mathias Mégy et Anise Signoret.